Maman Lobi, avant de boire la canga, ata na basa fou et pamba. Il m'a boire qui sent tout qui va pour me belé. Banana, ba manga, tout ça, na roko la canga. On va le moussou sa roya rolinga na canga. Ah! Et j'en ai qui n'a pas de boire vraiment. Ah, n'a pas de mambo. Zamba Zalina Mokili. Moni, naïf c'est que au samba la gata mousseuse parce que ma camomille c'est de moni, mousseuse ba oyo, ma moni mambo, mais ça les camarades camoua. Pour le moment, nous la piste pour la canne à sando. Nous allons parler beaucoup à Bimelinga, la voiture en boule. On va le voir, à tous les gars comme on a, la PCF. À 5 adresses, pas à Babot, la PCF. Nous allons quitter mon dimanche, mon bon ami, on va le voir. Aye à Bali, on va la sommer les gars au pango, à sommer les gars Mercedes 200. Aye, on sommer la gare, ma mobile à Sikawana et à vélo. On va le voir à sommer les gars télévision ou à écran géant. Alors, ma chérie, bon appel à Okade à Bolivon Abiso, la sommer l'hélicoptère. Dans la MC, la bête à la papa Bala, je me voyais bien. Côté d'abord la porte c'est comme une talon. Au moment où on a pas trop beaucoup le bal ambition dans situation, moi on a pas condition malam. Ah, quand papa va naïoke ne mona a suite trouble. A quoi tu te l'engages? Bana, na quoi le bon pour te zongana? Y'a mon coloco bonne. Yeah. Ils ont dit ça dans mon vélo ta papa. Seria, lutani la tomo melo tapa. Papa, na quando mudamos, meu tá cheio.